Chapitre 8e. En disant à sa belle-mère qu'elle n'était pas enceinte, Juliette s'était trompée. Elle le reconnut bientôt. Dans la nuit noire où elle était plongée depuis son retour à Paris, cette découverte fut pour elle un rayon de lumière. Après son entretien avec sa belle-mère, suivi de sa visite chez sa mère, elle s'était repliée sur elle-même et elle était tombée dans une sorte d'engourdissement douloureux. Que pouvait-elle contre la réalité qui venait de se révéler ? Absolument rien, à moins d'entreprendre une lutte. Pendant un moment, elle avait examiné dans sa conscience la question de savoir s'il devait risquer cette lutte, et la réponse qu'elle s'était faite avait été négative. À quoi cette lutte pouvait-elle aboutir ? Si elle triomphait, elle amenait une rupture entre la mère et le fils. Si elle ne triomphait point, c'était elle qui arrivait fatalement à une rupture éclatante avec sa belle-mère. Les deux résultats étaient également à craindre, car tous deux causaient le malheur de son mari. Elle devait donc accepter, sans se plaindre, la vie nouvelle que le mariage lui faisait. Cette vie serait atroce, tant pis pour elle. Pourquoi s'était-elle mariée ? Elle n'était point de ceux qui cherchent à rejeter sur les autres la responsabilité de leurs actions. C'était elle qui avait eu la faiblesse de se laisser marier, sans que rien nécessitât ou légitimât ce mariage. C'était elle qui avait été assez maladroite pour ne point étudier sa belle-mère et assez aveugle pour ne point la voir telle qu'elle était. C'était donc à elle de payer sa faute et de la payer seule. Mais lorsqu'elle se sentit mère, elle se réveilla de cette apathique résignation. Si pour elle la vie était manquée, elle pouvait vivre au moins dans son enfant. Si elle ne pouvait être femme, elle pouvait être mère. Elle se releva et reprit espérance. Maintenant, elle avait un but. Mais l'épreuve qu'elle venait de faire l'avait en quelques jours vieillie de 10 années. Elle n'accepta point l'expectative de la maternité, comme elle avait accepté celle du mariage avec une tranquille confiance en se disant « on verra bien ». Il ne s'agissait plus maintenant de s'en rapporter au hasard et d'attendre des circonstances le bonheur ou le malheur. Si elle voulait avoir son enfant à elle et pour elle, il fallait qu'elle prît ses précautions et qu'à l'avance elle s'en assurât la propriété, si l'on peut s'exprimer ainsi. Sa belle-mère ne l'avait-elle pas prévenue qu'une nourrice était déjà arrêtée ? Or, à aucun prix, elle ne voulait une nourrice. Qu'est la maternité pour une femme qui n'allaite pas son enfant ? Le premier sourire de ce petit être qu'on a porté, son premier cri de joie, seront donc pour une étrangère. Puis, des bras de la nourrice, l'enfant passera aux mains de l'institutrice. À quelle époque et pendant combien de temps la mère aura-t-elle son enfant ? L'art et le sentiment se réunissaient en elle pour proscrire la nourrice. De quoi est fait le génie de Raphaël, sinon de maternité ? Dans son esprit comme dans son cœur, par son éducation artistique aussi bien que par une disposition naturelle, elle ne comprenait, elle ne voyait l'enfant qu'au sein de la mère. Mais ce n'était point avec des considérations artistiques ou sentimentales qu'elle pouvait toucher Madame d'Alifard, elle ne le savait que trop. Il fallait qu'elle trouvât autre chose. Quelle autre chose, quel moyen pouvait-elle employer ? Là était la difficulté. Et comme elle ne trouvait point de réponse satisfaisante à ses interrogations, elle se résolut d'attendre et de ne parler de sa grossesse à personne, ni à sa mère, ni à son mari. Malheureusement pour Juliette, Madame d'Alifard n'était point femme à ignorer une chose par cela seule qu'on ne la lui disait point. Elle savait regarder autour d'elle et voir. Aussi, lorsqu'elle avait intérêt à chercher un secret, fallait-il plus que de la discrétion pour le lui cacher longtemps. En croyant qu'elle n'avait qu'à ne pas parler de son état pour qu'on ne le connût point, Juliette s'était trompée. La grossesse se manifeste par des signes à peu près certains qui n'échappent pas à un œil expérimenté. Bientôt, Madame d'Alifard, toujours aux aguets, remarqua que sa belle-fille éprouvait après le repas des bouffées de chaleur et des étouffements auxquels elle n'était pas sujette autrefois. Que se passait-il ? Sa curiosité éveillée se fit aussitôt attentive et elle devint d'autant plus soupçonneuse que Juliette, loin de se plaindre, paraissait vouloir dissimuler ses malaises. Pourquoi ne disait-elle rien ? Cela n'était pas naturel. Il est vrai que d'un autre côté aussi, il n'était pas naturel pour Madame d'Alifard que Juliette cachât sa grossesse si elle était enceinte. Pour quelle raison le ferait-elle dans quel but. Mais les malaises redoublèrent, et aux étouffements se joignirent des nausées. L'appétit devint capricieux, ce qu'elle aimait lui déplut. Des odeurs qu'elle supportait lui devinrent gênantes au point de produire en elle une sorte d'évanouissement. Cela n'était pas clair, ou plutôt cela ne l'était que trop. Et Madame d'Alifard, qui était à mille lieues de soupçonner les raisons que Juliette pouvait avoir pour dissimuler son état, voulut avoir une explication catégorique. « Qu'avez-vous donc depuis quelque temps ?» lui dit-elle un soir que Juliette avait été obligée de sortir de table dès le potage. « Êtes-vous souffrante ?»« Je vous remercie, je n'ai rien de grave. »« Cependant, vous n'êtes pas à votre aise. » Bien que vous paraissiez vouloir vous en cacher, j'ai remarqué que vous avez des étouffements après le repas. Quand vous n'avez pas plus que des étouffements, comme tout à l'heure, par exemple. L'odeur des jacinthes vous incommode. Et je vous ai vu placer sur la fenêtre en dehors celle qui était dans ses cache-pots. Si vous étiez enceinte, cela serait tout naturel. Mais comme vous ne l'êtes pas, il faut voir le médecin. Juliette comprit que le moment était venu d'avoir une explication avec son mari, car si elle voyait le médecin dont on la menaçait, avant d'avoir pris ses précautions, elle ne pourrait pas échapper à la nourrice. Le soir même de cette conversation avec sa belle-mère, elle avoua donc à son mari le secret qu'elle lui avait caché. « Tu en es certaine ?» s'écria Adolphe, tremblant de joie. « Je crois en être certaine. » « Mais alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit à ma mère tantôt quand elle t'en a parlé ?»« Il m'a semblé que tu devais être le premier à apprendre cette nouvelle. »« Maman ou moi ?»« Ah, tu n'es pas juste pour maman. »« Même en ce moment, des reproches à ce sujet. »« Oui, tu as raison. »« Mais je voudrais tant voir régner entre vous un accord parfait. »« Et cet accord n'existe pas. »« Tu as avec maman des mots coupants, des silences qui font peur. » Tu me parles de ta mère et moi je voulais te parler de notre enfant. Car j'ai bien des choses à te dire, des engagements à te demander, des promesses pour lui et pour moi. Pour lui, pour toi, d'avance tout est accordé. Ah, tout ? Tout, je le jure. Ne jure pas. Car ce que je veux te demandera une extrême gravité pour nous tous, pour notre enfant, pour moi, pour toi et pour ta mère. Ma mère ? Interrompit Adolphe. Toujours inquiet quand sa mère et sa femme devaient se trouver réunis. Parlons d'abord de notre enfant, car pour lui, pour ce que je désire au moins, il me semble qu'il ne peut pas se présenter de difficultés. Ce serait de toi seule qu'elle pourrait venir ces difficultés, et je ne veux pas croire que tu m'en opposes. Alors je ne t'en opposerai pas, c'est entendu. Quoi que tu veuilles, puisque cela dépend de moi seule, tu peux être assuré d'avance que c'est accordé. Ce que je veux, c'est nourrir moi-même notre enfant. Toi, nourrice ? Ah, tu vois, dit-elle en lui posant les doigts sur les lèvres. Voilà déjà que tu te récris, déjà que tu oublies tes engagements. C'est que, quoi ? Mon désir n'est-il pas tout naturel ? Pour notre enfant, pour moi, pour sa santé, pour mon bonheur, trouves-tu que ma demande soit déraisonnable ? Si tu crois que je ne suis pas d'une assez bonne santé pour le nourrir, ou bien si tu crois que je ne suis ni assez intelligente ni assez soigneuse pour l'élever, tu as le droit de t'opposer à ma demande, et je renonce à l'engagement que tu as souscrit à l'avance. Mais pour cela, il faut que tu commences par me dire que tu ne crois ni à ma force, ni à ma santé, ni à ma sollicitude, ni à ma tendresse. Enfin, tous les nids que tu trouveras, que dis-tu ? Rien de tout cela, cependant... Oh ! Ne dis pas ce que ton « cependant » paraît annoncer, car si tu n'as, pour t'opposer à ce que je nourrisse, aucune des raisons que je viens d'énumérer, il ne peut en rester qu'une, et comme celle-là te serait personnelle, tu n'oserais pas la donner tout haut. Je n'oserais pas. Assurément non, et je te défie de dire que tu ne veux pas donner ta femme à ton enfant pendant 15 mois. L'oses-tu ? Elle parlait en le regardant, les yeux dans les yeux, souriante et vaillante. Eh bien non, je n'ose pas. Dit-il. Mais cependant, je dois te faire remarquer que maman avait parlé d'une nourrice. Mon ami, je suis prête à céder tout ce que ta mère peut désirer, cela seul excepté. D'ailleurs, ta mère est trop intelligente pour intervenir entre nous et vouloir autre chose que ce que nous voulons tous deux. Cela est certain. Alors, ce point-là est réglé. Je le jure. nourrice. Passons donc au second, au difficile, au délicat. Il faut un parrain et une marraine à notre enfant. Maman, je savais à l'avance que ce serait ce nom que tu prononcerais, mais précisément, je veux te demander de ne pas prendre ta mère pour marraine. Y penses-tu ? C'est parce que j'y ai beaucoup pensé que je t'en parle. Si tu as ta mère, j'ai la mienne. Pourquoi l'une et pourquoi pas l'autre ? Si ma mère était dans une position égale à celle qu'occupe la tienne, il n'y aurait pas de raison pour se décider en faveur de celle-ci plutôt qu'en faveur de celle-là. Mais précisément parce que ma mère est dans une situation infime, nous devons ménager sa susceptibilité et la choisir pour marraine. D'autre part, tu as dans ta famille quelqu'un qui est aussi dans une situation malheureuse. C'est ton oncle Ferdinand, le frère de ton père, ton seul parent. Et les raisons de délicatesse qui nous obligent à choisir ma mère nous obligent à choisir ton oncle. Il y a égalité des deux côtés, et comme ton oncle ne peut pas être parrain avec ta mère, ce qui exclurait ma famille, il faut qu'il le soit avec la mienne. Adolphe écoutait, la tête basse, sans interrompre. Elle continua, encouragée par l'effet qu'elle produisait. Je n'ai fait valoir que des considérations étrangères à notre enfant et à nous. Mais en se tournant encore de ce côté, on voit que ta mère ne doit pas être marraine de notre premier-né. Il est presque certain que sa qualité de marraine, elle l'attachera à l'enfant qu'elle aura nommé. Qu'arriverait-il si nous en avions un second ? Il y aurait une préférence chez ta mère, et avec sa fortune, ce serait bien grave pour l'avenir. Adolphe resta assez longtemps silencieux, enfin relevant la tête. « Assurément, dit-il, je voudrais t'accorder aujourd'hui tout ce que tu me demandes. Cependant, je n'ose prendre ce dernier engagement. Pour la question de nourriture, c'est entendu et juré. Tu allaiteras notre enfant. Pour la question de la marraine, je ferai tout ce que je pourrai pour te satisfaire, mais à l'avance, je n'ose te donner une promesse formelle. Laisse-moi voir ma mère, laisse-moi causer avec elle, et aie confiance en moi. »